Chapitre 8. Singulière préoccupation de Rosalie. Avec l'aisance commençaient à se glisser dans l'intérieur de Clément les connaissances et les amis. En premier lieu, par suite de son changement d'état, il s'était créé de nouvelles relations, relations pour la plupart des plus honorables. Ainsi, sans parler de l'abbé Frépillon, qui, occupé d'un cours de théologie, vivant d'ailleurs comme un bénédictin, ne venait le voir qu'à de rares intervalles, il recevait fréquemment la visite d'un beau vieillard, prêtre, chanoine, qu'on appelait l'abbé Ponceau, et celle d'un juge d'instruction nommé M. Durosoir, ces deux derniers, par parenthèse, grands amateurs de musique. Clément, devenu graduellement membre d'une foule de sociétés, entre autres de celle de Saint-Vincent de Paul et de Saint-François-Xavier, passait les dimanches et les fêtes au milieu des conférences et des instructions. Il y avait lié commerce avec le juge et s'en était à ce point concilié la bienveillance que M. Durosoir avait consenti à être le parrain de son enfant, lequel avait été simplement ondoyé et devait être baptisé solennellement dès que la santé de Rosalie le permettrait. D'autre part, entre beaucoup de confesseurs qu'on lui avait indiqués, Clément avait choisi de préférence l'abbé Ponceau, parce que celui-ci avait l'oreille un peu dure. Ce chanoine, pour le dire en passant, car il ne doit guère sortir de la demi-teinte, était d'une apparence à commander sur le champ la vénération. De haute taille, la tête couronnée de cheveux d'un blanc de neige, avec des yeux et d'épais sourcils noirs qui se détachaient sur sa pâle figure, comme des caractères arabes sur un vieux parchemin, il eût été impossible de rêver à l'autel un officiant plus rempli de majesté. L'impression, à dire vrai, ne se maintenait pas à cette hauteur dès qu'on l'abordait et l'entendait causer. Commis aux soins par décision épiscopale, c'était la chronique dans la maison Clément, de remanier de fond en comble les 12 volumes d'un bréviaire ou paroissien, peu importe, il avait consacré 20 années de sa vie à cette vaste compilation, et dans ce travail qu'il l'avait astreint à une vie sédentaire, voire à une sorte d'immobilité automatique, il avait gagné toutes les infirmités navrantes qui déparaient son extérieur imposant. Outre qu'il était homme du monde le plus distrait, une paralysie partielle de la langue occasionnait parfois sur ses lèvres un bégaiement intolérable, il fallait parler haut pour se faire entendre de lui, et sa myopie était extrême. Un catarrhe, des rhumatismes, la goutte, se saisissaient de sa personne à tour de rôle et la laissaient rarement en repos. À cela près, sa simplicité d'enfant, sa candeur, sa bonté inaltérable en faisaient vraiment un ange. Il raffolait de musique, jouait de la basse, et quoiqu'il jouât faux, était très bon musicien. Clément, chez lequel semblait décidément affluer l'argent, ne se bornait pas à donner de temps en temps à dîner. Il achetait encore, à l'instigation de Max, un quatuor d'instruments à archet et toute la musique de Haydn, de Mozart et de Beethoven, pour ses 4 instruments, ainsi que des trios et des quintetti avec accompagnement de piano. Et certains jours où, à côté de Rosalie, n'était admis à titre d'auditeur que Madame Ducornet et Monsieur Durosoir, l'abbé Ponceau venait discrètement prendre un violoncelle et faire de la musique avec Madame Tillard et d'Estroy. Outre cela, en l'absence du digne chanoine, à qui son caractère interdisait des réunions plus nombreuses, Clément fondait, de quinzaine en quinzaine, une soirée où, avec l'aide de 3 ou 4 musiciens recrutés par Max, on exécutait toutes sortes de musiques de chambre. L'exécution, sans être irréprochable, était parfois assez bonne pour satisfaire même un juge difficile. Le nombre des auditeurs augmentait insensiblement. Madame Tillard et sa mère, M. Durosoir, d'Estroy, Rodolphe et quelques autres, formaient déjà le noyau d'une société qui allait se développer et s'étendre jusqu'à faire la maison trop petite. Bien des témoins desdites séances musicales ne se gênaient pas pour en parler au dehors. Dans le milieu où avait précédemment vécu Clément, où il avait été vilipendé, regardé comme le plus abject des hommes, d'où finalement il avait été ignominieusement repoussé, chassé circulait 1000 détails à sa louange, qui donnait grandement à réfléchir. Celui que, d'une voix presque unanime, on avait été jusqu'à proclamer un misérable, passible de la cour d'assises, dépouillait peu à peu, aux yeux même de ses plus implacables accusateurs, ses souillures, ses sentiments crapuleux, ses travers, ses vices, ses fautes, et cessait d'être criminel et répugnant pour devenir un personnage digne de considération. Avec des graduations ménagées pour sauvegarder les apparences, on allait actuellement à sa rencontre. Il n'apercevait plus que des visages avenants et gracieux. Il trouvait chaque jour quelques nouveaux noms chez son concierge. On l'accablait littéralement d'offres de services. Il ne devait pas tarder enfin à être effrayé du chiffre de ses amis et à se voir contraint d'en consigner la moitié à sa porte. Cependant, la pauvre Rosalie ne se rétablissait pas. Sa vie continuait d'être une alternative régulière de convalescence et d'agonie. Sur les instances des deux époux, quand Clément était à son bureau, Destroy venait la voir fréquemment dans la journée. Il la trouvait quelquefois calme, mais le plus souvent sous l'empire d'un morne accablement. Il fut un jour bien surpris de l'objet de ses préoccupations. Son abattement était plus profond que de coutume. Elle semblait la proie de rêveries funèbres. Max essaya quelque temps, sans y réussir, de l'arracher à cet état douloureux. Enfin, relevant la tête et attachant sur son ami de longs regards mélancoliques, « Croyez-vous, cher Max, dit-elle d'une voix altérée, qu'il y ait un dieu ?» Destroy l'examina avec étonnement. « Oui, fut-il, je le crois. Et après la mort, pensez-vous qu'il y a quelque chose ?» L'étonnement de Max devenait de la stupeur. « Je ne saurais concevoir, dit-il, comment périrait l'âme d'un corps qui ne doit subir qu'une transformation. Ainsi, il se pourrait qu'il y eût des châtiments ?» La question était embarrassante. En trois mots, Rosalys en disait plus qu'il n'en faut pour déconcerter 1000 sages personnes qui ne sont point pénétrées de la science péremptoire des théologiens. Destroy balança à répondre, de l'air d'un homme que la crainte des sarcasmes intimide. « Je crois, dit-il enfin, qu'il est des lois morales comme il en est de physique, et de même que si ces dernières étaient troublées, il en résulterait infailliblement un désastre. Je suis convaincu qu'on ne peut enfreindre les autres sans qu'il s'ensuive dans le monde de l'esprit un malaise qui, pour cesser, exige une expiation. Mais enfin, cette expiation est-elle individuelle, dit Rosalie, de plus en plus inquiète. En même temps qu'elle est individuelle, répartit Max, tous les hommes en souffrent à un degré quelconque. Rivés à la même planète, englobés dans la même atmosphère, quoi que nous fassions, notre solidarité en toute chose est permanente et fatale, dans les joies comme dans les douleurs, dans les bonnes actions comme dans les mauvaises. « Tout cela ne me dit pas ce que je voudrais savoir, » fit Rosalie avec une sorte d'impatience. « Moi, par exemple, en supposant que j'ai commis de grandes fautes, souffrirais-je après ma mort » « Est-il donc si ridicule de penser, » répliqua Destroy, « qu'au cas où la somme de vos douleurs ne sera pas adéquate à celle de vos péchés, vous rajeunirez dans la mort pour continuer l'expiation ?»« Qu'importe, » dit précipitamment Rosalie, « si je perds le souvenir de ma vie antérieure. » En souffririez-vous, moins pour ignorer la raison de votre supplice, dit Max. Au reste, reprit-il, dans l'existence qui embrasse ses crimes, il est au moins douteux que l'homme ne subisse pas en partie son châtiment. Admettez seulement qu'il ait une famille. La seule pensée de transmettre à ses enfants un héritage de malheur n'est-elle pas suffisamment effroyable? Hélas, hélas, fit Rosalie, qui se cacha la tête dans ses mains et éclata en sanglots. Destroy, bien que tout cela lui parût singulièrement étrange, ne voulut voir dans cette explosion de chagrin que l'effet de scrupules outrés. Peu après, Clément revint de son bureau. Accoutumé de longue date à voir les sombres tristesses de sa femme, il ne prit pas même garde à la trace de ses larmes récentes. Au surplus, il était préoccupé. D'un ton sarcastique et en termes injurieux, il déclara qu'il communiait le lendemain et conseilla à sa femme, puisqu'aussi bien sa faiblesse la dispensait de cette ignoble comédie, de se confesser au moins plus souvent qu'elle ne faisait. Rosalie, pour la première fois peut-être, ne cacha point son affliction de l'entendre parler avec cette irrévérence. « Quoi, qu'est-ce ? » fit Clément, avec une colère hautaine. « Les lieux communs de l'abbé auraient-ils fait impression sur toi ? » « N'oublie pas, ajouta-t-il, avec une énergie effrayante, que je ne veux même pas de l'ombre d'un tiers ou d'une pensée entre nous deux. Plutôt que d'être à la merci d'un prêtre, je préférerais subir le dernier supplice. » Max penchait la tête d'un air soucieux. « Seras-tu jaloux d'un vieillard ?» demanda Rosalie en s'efforçant de sourire. Loin de protester contre cette façon d'interpréter sa colère, Clément se calma tout à coup et changea brusquement de conversation. Il était rare qu'un jour s'écoulât sans être marqué par quelque incident nouveau. Ainsi, dans la même semaine, Destroy se trouvant auprès de Madame Tillard, légèrement indisposée. « Il paraît, lui dit celle-ci, que votre monsieur Clément a été jadis commis dans notre maison. » « Comment l'avez-vous appris ?» demanda Max curieusement. « Par Frédéric, dit Madame Tillard, qui est allée prévenir Madame Rosalie de mon indisposition. » Elle ajouta que le vieillard avait rapporté les plus pénibles impressions de cette visite. Clément, troublé d'abord en l'apercevant, s'était bientôt montré envers lui aussi expansif qu'il venait d'être réservé. Il ne s'était pas borné à lui faire voir son appartement. Il avait encore prétendu lui raconter son histoire, jusque dans les plus minimes détails, et l'avait obligé d'examiner ses livres, sous le prétexte de lui demander s'ils étaient bien tenus. Frédéric avait été d'autant plus frappé de ce dernier souci que les 10 livres annonçaient un comptable de premier ordre. En dépit de son aisance, de sa vie laborieuse et de sa dévotion, Clément, avec sa figure ravagée, ses yeux hagards, ses manières ambiguës, n'avait inspiré au vieillard ni confiance ni sympathie. Celui-ci allait jusqu'à s'affliger, sans trop savoir pourquoi. Il est vrai des relations de Madame Tillard avec ce sinistre personnage. « Pour ma part, continua Madame Tillard, je suis désolé de n'avoir pas su le fait plus tôt. Sans fausse fierté, j'eusse probablement refusé d'aller dans cette maison, et j'eusse sagement fait. Il faut bien vous le dire, si Madame Rosalie m'inspire de la compassion, j'ai à l'endroit de son mari des sentiments analogues à ceux de mon vieux Frédéric. Il me cause une répugnance que je ne puis réussir à surmonter. » Le lendemain même de ce jour, Destrois alla chez Clément, qui le reçut avec humeur. « Es-tu fou ? S'écria-t-il. Comment ? Tu vas t'amuser à catéchiser Rosalie ? À quoi penses-tu ? Qu'avais-tu besoin de lui dire qu'il y a un Dieu, une vie éternelle, des châtiments et le reste ?»« J'ai répondu à ses questions, dit Max, voilà tout. » Il fallait alors lui répondre, dit Clément avec énergie, qu'il n'est de Dieu que pour les idiots, que la mort c'est le néant, que les châtiments et les récompenses sont des inventions saugrenues de l'homme. « À cause de quoi ? Fit Max interdit. « Tu ne veux pas, j'imagine, apporter le trouble dans mon ménage, » répliqua Clément d'un trait. « Voilà maintenant que Rosalie ne me laisse de repos ni jour ni nuit et me fatigue de tous ses rabâchages. J'attends de toi un service. »« Quel est-il ? Il faut que tu défasses ton ouvrage, que par insinuation tu étouffes dans l'esprit de ma femme la mauvaise graine que tu y as semée. »« Je ne puis faire cela, » dit Max fermement. « Ainsi donc, » s'écria Clément furieux, « il faut, parce que cela te plaît, que je souffre moi. » Que je sois crucifié pour des opinions sur lesquelles je crache. Je te promets seulement, répartit Destrois, d'éluder les questions de Rosalie, s'il arrive qu'elle me questionne de nouveau là-dessus. Eh bien, d'accord, dit Clément, tu souffriras en outre sans souffler que je la raille devant toi de ces sottes visions. Ils parlèrent ensuite du vieux Frédéric. Que fait-il ? Demanda Clément. Il est donc au service de ton ami ? Ah, fit Destrois avec enthousiasme, ce vieillard est réellement admirable. 45 de ses années, il en a 60, ont été comblées par le travail. La perte totale de ses économies, à la mort de son patron, ne lui a pas arraché une plainte. Il ne s'est préoccupé que de Madame Ducornet et de sa fille. Il les a contraintes d'accepter ses services et s'en est constitué le serviteur presque de force. Il se tient toute la journée à la disposition de Madame Tillard. Non content de cela, il emploie les 2/3 peut-être de ce qu'il gagne le soir à tenir des livres, au soulagement des 2 femmes. « C'est un vieil imbécile, » fit sur le champ Clément, d'un air de dédain suprême.